Aujourd'hui Diane m'a parlé, je ne lui ai pas répondu. Je ne voulais pas dire de bêtises, alors je n'ai rien dit. Aujourd'hui Diane m'a parlé, sa voix est si douce, si vous saviez. Mais vous ne pouvez pas savoir, car avant elle, la douceur n'existait pas. La douceur n'existait pas. Aujourd'hui Diane m'a parlé de température d'été. Je n'ai pas répondu à sa question, car j'aurais dit une bêtise. Aujourd'hui Diane m'a parlé, mes yeux sont tombés si bas qu'ils s'enfoncent encore dans la terre et atteindront bientôt le magma. Atteindront bientôt le magma. Très chère Diane, je ne vous parlerai sans doute jamais, ni aujourd'hui, ni demain. Aujourd'hui Diane m'a parlé, elle a un accent de l'Est. En fait je n'ai pas tout compris, mais j'ai eu une érection. J'ai eu une érection.